Mademoiselle, l'étonnante immobilité où je vous vois intimide extrêmement mon inclination naissante. Vous me découragez tout à fait et je sens que je perds la parole. Mademoiselle est immobile, vous muet et moi stupéfaite. J'ouvre les yeux, je regarde et je n'y comprends rien. Lisette, qui est-ce qui l'aurait cru ? Je ne le crois pas, moi, qu'il voit. Si la charmante Angélique daignait seulement jeter un regard sur moi, je crois que je ne lui ferais point de peur. Et peut-être y reviendrait-elle. On s'accoutume aisément à me voir, j'en ai l'expérience. Essayez-en. Je ne saurais. Ce sera pour une autre fois. Lisette, tenez compagnie à monsieur. Je lui demande pardon, mais... je ne me sens pas bien. J'étouffe. Je vais me retirer dans ma chambre.